Section 2. Des sentiments qui sont l'intermédiaire entre les passions et les ressources qu'on trouve en soi. Chapitre 1er. Explication du titre de la seconde section. L'amitié, la tendresse paternelle, filiale et conjugale, la religion, dans quelques caractères, ont beaucoup des inconvénients des passions, et dans d'autres, ces mêmes affections donnent la plupart des avantages des ressources qu'on trouve en soi. L'exigence, c'est-à-dire le besoin d'un retour quelconque de la part des autres, est le point de ressemblance par lequel l'amitié et les sentiments de la nature se rapprochent des peines de l'amour. Et quand la religion est du fanatisme, tout ce que j'ai dit de l'esprit de parti s'applique entièrement à elle. Mais quand l'amitié et les sentiments de la nature seraient sans exigence, quand la religion serait sans fanatisme, on ne pourrait pas encore ranger de telles affections dans la classe des ressources qu'on trouve en soi. Car ces sentiments modifiés rendent cependant encore dépendants du hasard. Si vous êtes séparé de l'ami qui vous est cher, si les parents, les enfants, l'époux que le sort vous a donné ne sont pas dignes de votre amour, le bonheur que ces liens peuvent promettre n'est plus en votre puissance. Et quant à la religion, ce qui fait la base de ces jouissances, l'intensité de la foi, est un don absolument indépendant de nous. Sans cette ferme croyance, on doit encore reconnaître l'utilité des idées religieuses, mais il n'est au pouvoir de qui que ce soit de s'en donner le bonheur. C'est donc sous ces différents rapports que j'ai classé le sujet des trois chapitres que l'on va lire, entre les passions asservissantes et les ressources qui dépendent de soi seules.